Oui, bonjour à tous. Donc je dispose d'environ un quart d'heure, c'est ça pour, Parfait. D'accord, pour faire un petit point sur les fondamentaux du droit d'auteur, pour savoir d'où on vient quand même, pour essayer de comprendre les mécanismes du droit d'auteur. Je signale d'abord que c'est pas moi qui choisis le titre de l'intervention. J'ai d'ailleurs pris sur moi de rajouter des guillemets à nul pour pas être lynché par la salle. Voilà. Alors, trois points, en fait, très rapidement, vous expliquer. Alors, il y a une dizaine de slides qui sont complets, qui seront distribués, diffusés gratuitement. Donc, absolument. Avec ma bénédiction. Je vais pas tout reprendre, vous avez le visuel, simplement je vais partir un petit peu en travers sur ces slides. Dans un premier temps, je voulais juste expliquer d'où vient le droit d'auteur. Une petite histoire. Alors j'ai intitulé ça « Petite histoire de la protection des œuvres littéraires artistiques » de Gutenberg à Zuckerberg. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook. Ça fait partie aussi aujourd'hui de ces outils qui soit assurent la promotion des œuvres, soit participent du pillage de l'œuvre. Très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les auteurs d'œuvres littéraires qui ont contribué à l'émergence du droit d'auteur. Alors là, je vais partir simplement du 17e, je vais remonter à l'Antiquité, on aurait pu trouver d'autres exemples, mais particulièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que très longtemps, la diffusion de l'œuvre, était placé sous contrôle de l'État, et particulièrement du roi, qui accordait des privilèges. Ce qui faisait que la production littéraire était placée sous le contrôle de l'État. Pendant très longtemps, on a considéré que, en raison du coût de diffusion de l'œuvre littéraire, en raison du coût de mise en œuvre de l'imprimerie, au XVIIe notamment, on a considéré que la rémunération patrimoniale, donc les gains de production, devaient revenir exclusivement à l'éditeur ou à l'imprimeur, et pas à l'auteur. L'auteur devant se contenter simplement de la reconnaissance morale, enfin, sa paternité de l'œuvre. Et progressivement, l'imprimerie a bénéficié des évolutions technologiques permettant de réduire les coûts. Ce qui fait que, finalement, les auteurs ont à un moment donné revendiqué une part du gâteau, finalement, c'est un peu ça, et ont pu obtenir, dès 1709, c'est la date que j'indique en bas de ce slide, ont pu reconnaître un droit patrimonial sur leur œuvre. Et particulièrement, c'est une loi anglaise, dite loi d'Anne, qui a créé ce droit d'auteur, un droit exclusif d'exploitation, pour une durée de 14 ans. Ça a évolué depuis, notamment en France. Deuxième étape importante, en France, juste à la Révolution, ou juste après la Révolution, deux textes majeurs, 1793 et 1793, qui consacrent le droit de représentation. Droit de représentation, notamment des écrits dramatiques, et notamment dans le cadre de la production de pièces de théâtre. On a appelé cette période la querelle des théâtres, puisque qui opposait les responsables, en tout cas les animateurs de salles de théâtre, aux auteurs d'œuvres qui faisaient l'objet de ces représentations. Et le débat, enfin en tout cas la querelle qui a eu lieu à l'époque, a permis aux législateurs de mettre en place, de consacrer ce droit de représentation. Alors j'ai une citation, je ne vais pas la reprendre. Simplement, c'est Lacanal, c'était le rapporteur de la loi de 93. Et il expliquait que l'auteur apparaissait comme un agent de l'éveil public et de l'accroissement des connaissances. Et il considérait que par ailleurs, la reconnaissance du droit des auteurs, pour une période limitée, devait être analysé comme un mécanisme établi pour récompenser les activités intellectuelles. Ces textes majeurs sont restés relativement peu appliqués pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait eu une fronde des auteurs, et en particulier Balzac, Dumas, Hugo, qui ont créé à cette époque, enfin 1838, hein, une cinquantaine d'années après la Révolution, donc ont créé la Société des gens de lettres, dans un objectif très précis, qui était de défendre le droit moral, le droit patrimonial des auteurs. Donc on voit que pendant ces deux, trois siècles, ce sont bien les écrivains qui ont participé à la construction de l'élaboration, la construction du droit d'auteur. Fin 19e, une évolution majeure, c'est l'installation du droit patrimonial de l'auteur dans la durée, puisqu'on crée une protection, le législateur crée une protection pour une durée allant jusqu'à 50 ans après le décès de l'auteur de l'œuvre, période qui a été allongée depuis, puisqu'aujourd'hui c'est 70 ans. Alors, 20e siècle, ce qui est important, et on voit l'impact des technologies, on voit apparaître deux nouveaux supports à l'œuvre, notamment l'œuvre audiovisuelle, cinématographique, et ce sont ces évolutions technologiques qui ont mené les législateurs à repenser ou à rénover le droit d'auteur, notamment loi du 11 mars 57 sur les droits d'auteur. Et là, on peut remarquer une petite chose en ce qui concerne la production cinématographique, c'est que le texte organise une présomption de paternité des droits patrimoniaux au profit des producteurs. Comme c'est ce qu'il faisait pour finalement l'imprimerie et l'édition de l'œuvre littéraire avant le 17e. On a à nouveau, et tout ça pour des considérations on va dire financières, puisqu'on considère que c'est le producteur qui supporte la majorité des coûts de mise en œuvre de la production de l'œuvre audiovisuelle. J'essaie d'aller un peu vite, mais c'est pas très simple. Étape majeure aussi, logiciel. Alors, particularisme à la française, le logiciel est considéré comme une œuvre intellectuelle, une œuvre de l'esprit, en droit français. Ça a d'ailleurs été consacré de façon très nette par une loi de 94. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quasiment les seuls au monde à penser cette chose-là, puisque en droit anglo-saxon, le logiciel est brevetable. Alors, il y a une guerre actuellement qui est livrée au niveau européen, et qui vise à faire évoluer le droit français du logiciel vers du droit du brevet. C'est-à-dire qu'à terme, le logiciel ne sera plus qu'un brevet, en tout cas, il ne sera plus qu'une invention brevetable. Voilà pour cette petite histoire rapide, hein. Ça a été très, très rapide, mais ça permet de comprendre surtout l'impact des évolutions technologiques en matière de diffusion et de production de l'œuvre artistique. Deuxième point, la notion d'œuvre protégée. Qu'est-ce qu'une œuvre protégée ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà en termes de droit, je ne vais pas vous faire un cours de droit ex cathedra, mais l'ensemble des dispositions relatives aux œuvres protégées figurent dans le Code de la propriété intellectuelle, identifié comme étant le CPI ici. Et dans ce texte, dans ce code, on retrouve notamment une définition, des indications et des critères permettant d'identifier l'œuvre protégée, notamment l'article 112.1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Et on a un deuxième texte qui suit et qui donne toute une liste d'exemples. Mais il faut noter que cette liste n'est pas limitative, puisque l'article 122.2 considère, et c'est noir sur blanc dans le texte, notamment comme œuvre, alors donc une série, vous avez les écrits, les conférences comme celle-ci, c'est une œuvre, les compositions musicales, les dessins de peinture, d'architecture, les œuvres photographiques, les œuvres des arts appliqués, les cartes géographiques, les logiciels, ainsi que, en dernier lieu, les créations des industries saisonnières, l'habillement et la parure. Donc, ici, on n'a affaire qu'une liste indicative. On pourrait en rajouter d'autres. Hein. Il suffirait que on innove, en tout cas des auteurs innovent, dans la production artistique. En toute hypothèse, la loi ne fournit au juge que des indicateurs. C'est au juge d'apprécier, en cas de difficulté, sur la notion d'œuvre protégée, c'est au juge d'apprécier ce qui relève de la notion d'œuvre protégée ou pas. On va retenir ici deux choses, les deux éléments majeurs. Tout d'abord, la protection de l'œuvre est indépendante de toute considération morale ou esthétique. Musique peut être inaudible, mauvaise, désagréable, mais ça restera une œuvre. Et par ailleurs, les œuvres peuvent parfaitement porter atteinte à la morale publique, sans pour autant que l'on retire à ces œuvres le statut d'œuvre protégée. Deuxième critère important, l'œuvre doit être originale. Elle doit porter en elle l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est ce qui va permettre donc de caractériser cette œuvre. Simplement, ce qu'il faut signaler, c'est que l'idée, la simple idée, elle, n'est pas une œuvre. Un exemple, notamment par rapport aux œuvres, en tout cas l'œuvre, plutôt, on va dire, de Christo. Les tribunaux se sont penchés dans deux affaires différentes sur la technique dite de l'emballage ou de l'empaquetage. Alors, il y a deux affaires. La première, dans laquelle on a considéré que l'idée d'emballer des arbres n'était pas une œuvre, ça reste une idée, qu'en revanche, l'empaquetage du Pont-Neuf, en tout cas sa, ça, l'œuvre précisément de l'empaquetage du Pont Neuf était une œuvre. Donc protégée et dont la reproduction ne pouvait pas se faire sans le consentement de Christo. Alors, d'autres exemples hein, concernant l'originalité de l'œuvre. Cette originalité résulte d'un apport intellectuel inédit. Alors pour la musique, c'est essentiellement, ce sont les tribunaux hein, qui se penchent, qui ont apporté ces éléments. En matière musicale, c'est la combinaison du rythme et de la mélodie. Pour les logiciels de jeu, c'est la combinaison des sons et des images. C'est ce qui va donner l'originalité donc, à l'œuvre. Un petit exemple particulier, Charlot, le personnage lui-même est une œuvre. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer créer un personnage qui s'inspirerait aujourd'hui directement des caractéristiques comportementales, notamment et physiques, de Charlot. Charlot est lui-même une œuvre. Je ne parle même pas de la photographie ou du film, hein, ou en tout cas de la production audiovisuelle. Deux mots rapidement, c'est un peu plus technique. Deux mots de la frontière entre le brevet, l'invention, pardon, technique, brevetable, et le droit d'auteur. L'invention technique, elle, n'est pas protégée par le droit d'auteur. L'invention technique, celle qui a une finalité industrielle, est protégée par le droit des brevets. Différence majeure, c'est que l'œuvre littéraire artistique est automatiquement protégée dès sa conception, dès sa finalisation, alors qu'une invention technique n'est protégée qu'à partir du moment où les autorités publiques ont délivré un titre de propriété qui s'appelle le brevet. Donc ça, c'est une différence très très importante. Le régime n'est pas du tout le même, je ne vais pas continuer sur ce terrain-là, mais sachez qu'on peut être éventuellement amené à hésiter, parfois, en termes de protection juridique, entre le brevet et le droit d'auteur. Parfois, le droit d'auteur vient au secours de certaines inventions non brevetables. Exemple, la composition olfactive des parfums. La composition olfactive d'un parfum n'est pas brevetable. En revanche, certains tribunaux ont considéré que l'assemblage, le choix, la proportion des éléments composant le parfum, permettait de considérer qu'il s'agissait d'une œuvre. C'est une œuvre à caractère technique, mais c'est une œuvre. Les œuvres des arts appliqués peuvent, elles aussi, bénéficier de ces dispositions, indépendamment de leur possible protection par le droit de la propriété industrielle. C'est le cas notamment, par exemple, en matière d'emballage. Souvent, l'emballage est protégé au titre du droit de la propriété industrielle sur le terrain des dessins et modèles, mais il est aussi protégeable en application du droit d'auteur. Troisième point, et j'en aurai bientôt terminé, les droits attachés à cette œuvre. Alors, c'est du classique pour les juristes. On distingue principalement deux types de droits attachés à toute œuvre littéraire ou artistique. D'une part, un droit moral, et on verra tout à l'heure, un droit patrimonial. Alors, le droit moral, il est défini comme par le Code de la propriété intellectuelle, à l'article 121.1, comme étant le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. C'est un droit qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Tout auteur d'une œuvre, quelle qu'elle soit, littéraire, artistique ou plastique, bénéficie de ce droit moral à perpétuité, y compris après son décès. Donc. Et lorsque l'auteur de son vivant s'est exprimé quant à l'avenir de son œuvre, cette volonté doit être clairement respectée. Alors, plusieurs exemples. Premier exemple concernant Samuel Beckett. Samuel Beckett, lorsqu'il a écrit « En attendant Godot », avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas que cette pièce soit représentée par des femmes. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, cette pièce ne peut absolument pas être présentée dans l'hypothèse où l'un des personnages serait tenu par une femme. Ça d'ailleurs a été jugé. Ça a été jugé, il y a des interdictions de production, de représentation de cette pièce, alors que certains participants étaient du sexe féminin. Deuxième exemple, Victor Hugo, alors on en a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Paris en décembre 2008, qui a considéré que le fait d'écrire une suite aux Misérables, aujourd'hui, n'était pas une atteinte au droit moral de l'œuvre de Hugo. Tant que, évidemment, tant qu'on respectait le droit au nom, qu'on respectait l'intégrité de l'œuvre adaptée. Mais l'œuvre de suite est tout à fait possible aujourd'hui. Donc on aura une suite au Misérable, saison 5, saison 6, je ne sais pas. Autre exemple, beaucoup plus gênant pour notamment les collectivités publiques. C'est le cas des œuvres architecturales qui ne peuvent être ni modifiées ni déplacées sans l'autorisation, sans l'accord des sculpteurs. Fontaines, sculptures monumentales. Alors il y en a beaucoup aujourd'hui, puisque dans le cadre des la politique de marché, il y a un pourcentage qui est réservé à la conception, à la réalisation et à l'installation d'œuvres d'art. Le gros souci, c'est que l'auteur étant titulaire d'un droit moral qui est imprescriptible, inaliénable, si on souhaite déplacer la fontaine, la détruire, il faut obtenir l'autorisation de l'auteur. J'ai en mémoire une affaire qui concernait un petit village du Cantal, qui à l'occasion de la réfection de sa place avait fait faire avait fait installer des sculptures monumentales. Il s'agissait sommairement de grands pieux en acier. Qui était installé sur la place, et, symbolisant l'altitude, le vent, etc. Et le problème, c'est que, enfin, le problème, en tout cas, l'auteur avait, le sculpteur avait choisi un matériau qui se dégradait avec le temps. Et au bout de quelques années, l'ensemble des sculptures rouillaient, et la mairie avait décidé d'entreprendre des travaux simplement de mise en peinture ou de protection contre la rouille, travaux auxquels le sculpteur s'est opposé. Et le gain de cause. Et aujourd'hui, sur cette petite place, en fait, l'ensemble des sculptures rouillent et toute la place est tachée. Voilà le genre de situation à laquelle peut être confrontée une collectivité publique. Ce droit au respect de l'œuvre, ce droit moral, est complété par un droit de divulgation. Ça signifie quoi ? Ça signifie que simplement seul l'auteur peut décider de divulguer son œuvre. C'est-à-dire que comme c'est un droit qui est perpétuel et imprescriptible, ça signifie que quelqu'un qui a contribué à la réalisation d'une œuvre littéraire ou artistique de son vivant et qui n'aurait pas choisi de divulguer cette œuvre ne peut pas voir sa position contredite par une pratique inverse après son décès. On ne peut pas révéler des œuvres si de son vivant l'auteur avait décidé de ne pas les révéler. Deuxième droit, le droit patrimonial. Alors là, on parle d'argent, patrimonial, patrimoine. Le droit patrimonial, c'est un droit exclusif de représentation et de reproduction. Ça signifie quoi ? Alors d'une part, représentation, ça signifie que la communication de l'œuvre au public, quel que soit le mode de représentation, cette communication de l'œuvre au public résulte de la seule volonté de l'auteur. Alors, évidemment, il peut déléguer, accorder son autorisation de représentation dans le cadre d'un contrat, mais sans cet accord, il est impossible de représenter une œuvre sans l'accord de l'auteur. Alors, le Code de la propriété intellectuelle présente un certain nombre de techniques de représentation. Alors, je cite la récitation, la représentation, la projection, la représentation par exemple théâtrale, la projection, la télédiffusion, l'émission d'une émission vers un satellite, c'est un mode de représentation. Et là, il y a eu des décisions judiciaires, notamment sur le streaming. Le streaming est considéré comme un mode de représentation. Donc, le streaming, c'est pas quelque chose qui est une zone de non-droit. Le streaming, c'est de la représentation. Si l'auteur la composition musicale ou de la production audiovisuelle n'a pas donné son accord au streaming, normalement on ne peut pas le faire. Deuxième élément du droit patrimonial, la reproduction, alors qui consiste ici en la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public. Et là, donc là encore, le Code de la propriété intellectuelle nous donne une série d'exemples. Hein. Par exemple, l'imprimerie, la photographie, l'enregistrement magnétique. Alors, il y a le mécanique aussi, hein, mais on est passé du mécanique au magnétique avec l'apparition notamment des cassettes audio dans le courant des années 60. L'exécution répétée d'un plan, ça, ça concerne les plans d'architecture, etc. Là encore, on a eu des décisions concernant l'Internet et particulièrement la numérisation de données sur un site qui est considéré comme une technique de reproduction. En clair, que ce soit l'enregistrement ou la compilation de données magnétiques sur un serveur ou la diffusion par le mode de streaming, dans les deux cas de figure, de toute façon, l'auteur a droit à une protection, c'est-à-dire que s'il n'a pas donné son autorisation, ses pratiques sont sanctionnables. Cette exclusivité s'ouvre de quelques exceptions, alors qui parfois sont difficiles à interpréter, à analyser. D'abord, c'est la représentation, le cas de la représentation privée dans le cercle familial. Je précise qu'il faut que cette représentation privée dans le cercle familial soit gratuite. Ça, fallait-il encore le dire ? On ne sait jamais. La copie privée à l'usage du copiste, mais l'usage exclusif du copiste. Vous avez le cas des courtes citations. Qu'est-ce qu'une courte citation ? La reproduction de 3 pages, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin en tout cas il a été fait témoignage, c'est pas une citation. 3 pages même sur 400, c'est pas une citation, c'est du plagiat. La parodie aussi fait partie des exceptions. Hein, on peut parfaitement pasticher une œuvre originale en s'inspirant finalement de sa forme, de sa couleur, de la tonalité des propos, etc., ou de la musicalité, à condition qu'il s'agisse d'un pastiche ou d'une parodie. Et effectivement, considérant ces caractéristiques patrimoniales, l'auteur peut tirer un profit pécuniaire de l'exploitation de son œuvre. C'est inscrit dans le code de la propriété intellectuelle. Comment fait-il ? Eh bien, à ce moment-là, il cède le droit. Alors, soit il exploite directement l'œuvre, soit il cède ses droits au moyen de contrats d'édition, de représentation et de production, notamment. Voilà, je m'arrêterai là pour cette présentation rapide. Vous aurez le power, si vous le demandez. Voilà.